Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le champagne, vin des rois et roi des vins. On ouvre une bouteille de champagne toujours quand il y a quelque chose de beau, n'est-ce pas? Quand un enfant est né, quand il y a de la joie, on ouvre une bouteille de champagne. Et là, le champagne est devenu un symbole de quelque chose de bien. La grande Marlène Dietrich à Radio France en 1963. Marlène Dietrich qui parle de son amour du champagne et de ce que représente ce champagne vin des grandes occasions. Le vin des rois et le roi des vins, l'expression est authentique, elle est de Louis XV, mais elle ne désignait pas le champagne, mais plutôt le tokaj, ce vin hongrois. Ça n'empêchera pas pour autant sa favorite, la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour, de dire du champagne, qu'il est le seul vin qu'une femme puisse boire sans s'en le dire. Ça n'enlève rien au fait non plus que le champagne était bel et bien le vin préféré de Louis XIV, le champagne vin du roi soleil, donc. Et puis, on peut en convenir, le champagne, plus que tout autre vin, est aujourd'hui celui que l'on associe à la fête, aux réjouissances, aux célébrations. Le champagne est un peu devenu synonyme de bonheur. Champagne. Monsieur Sauzy, est-ce qu'on boit du champagne depuis très longtemps dans le monde? Eh bien, on boit du champagne dans le monde depuis le 18e siècle, c'est-à-dire depuis que les moines de Hautvillers avaient remarqué que en mélangeant les crus différents de la Champagne, les vins provenant de différents villages champenois, on obtenait, au point de vue qualité, quelque chose qui était supérieur que les différents crus pris séparément. Deuxième constatation, ils avaient remarqué que le vin avait tendance à refermenter au printemps. D'où l'idée de provoquer, de favoriser une deuxième fermentation en bouteille, qui fait que le champagne est mousseux. Et puis aussi, il faut dire que la découverte du liège, l'utilisation du liège plus exactement pour boucher les bouteilles, alors que jusqu'alors on utilisait le bois, avait permis précisément, n'est-ce pas, de provoquer cette deuxième fermentation en bouteille, car elle provoque évidemment une certaine pression, il faut une certaine résistance pour boucher la bouteille, et le bois eût été insuffisant. Champagne. Sur une chanson de Charles Aznavour, chantée par Louise Roy, on entendait Mardio Snozzi de la maison Perrier-Jouet parler des origines du champagne à l'émission Carrefour en 1961. Pour nous raconter l'histoire du champagne, je reçois l'historienne Catherine Ferland, auteure du livre Bacchus en Canada, boisson, buveur et ivresse en Nouvelle-France. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Ça commence quand, Catherine, la culture de la vigne et la production du vin en Champagne? Mais d'abord, quand on s'intéresse au vin, c'est bien de s'intéresser au terroir comme tel. Il faut rappeler que la Champagne a ceci de particulier que c'est, disons, un lieu où il y a beaucoup de sédiments fossiles, ce qui donne un sol très crayeux et qui va avoir beaucoup de particularités organiques qui vont être très, très bénéfiques à la vigne. Les racines des vignes vont s'enfoncer très profondément dans le sous-sol et ça va favoriser vraiment la culture, la viticulture en terre champenoise. Pourtant, c'est étonnant, mais ça va prendre quand même un certain temps avant qu'on se mette à vraiment avoir une viticulture intéressante dans ce coin-là. Bon. Ça va prendre, en fait, l'essor de l'Empire romain, rien de moins pour que, bon, progressivement, on voit cette progression de la vigne vers le nord, d'abord vers la Bourgogne et ensuite jusqu'à la Champagne. Donc, c'est vrai que la Champagne, parce que quand on parle de vin, on pense tout de suite au bassin méditerranéen, spontanément, oui, en tout cas. Absolument. En fait, la Champagne, c'est quand même un peu plus nordique. Nord. Oui. C'est très nordique, oui. Donc, ça prend certains développements, ça prend aussi une meilleure connaissance de la culture viticole et c'est pas donné à tout le monde. Donc, les Romains vont vraiment amener avec eux ce bagage qui va monter progressivement vers le nord. Et au fil du temps, bon, dans le haut Moyen Âge, on va avoir beaucoup d'abbayes qui vont se développer et qui vont perfectionner certaines connaissances autour de la vigne, qui vont vraiment mettre beaucoup d'accent sur le développement viticole de Champagne. Donc, 3e et puis 5e, 9e siècle, là, il se passe vraiment quelque chose entre le 5e et le 9e. Effectivement. Il y a une autre particularité, Catherine Ferland, quand on parle des vins de Champagne, c'est qu'ils sont étroitement liés à l'histoire des rois de France. Les rois de France France vont être, pendant 1000 ans, vont être couronnés à Reims. Vont être couronnés à Reims, effectivement, qui est on pourrait dire la capitale à la fois des sacres des rois de France, mais aussi du champagne tel qu'on le connaît. Et ça, c'est pas rien. C'est un lien qui va être fréquemment souligné. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que les rois francs, les rois qui étaient installés à Paris, ce sont à la base des buveurs de vin de Paris, des buveurs de vin de Bourgogne. On faisait venir même des vins de la Loire. Le vin de champagne, comme tel, était bu lors du sacre de Reims, mais il était effectivement surtout consommé par la noblesse locale, rémoise et champenoise. Donc, c'était pas un vin qui s'exportait bien. Donc, le vin d'un événement, le couronnement du roi, mais ensuite, la cour, on boit autre chose à la cour à ce moment-là. On boit autre chose, oui, parce que ce n'était pas un vin qui avait la stabilité requise pour voyager sur de grandes distances. Donc, il était consommé essentiellement par la noblesse locale. Le champagne, le vin mousseux comme tel, le vin effervescent qu'on connaît aujourd'hui, on le doit beaucoup au moine Dom Pérignon, qui est devenu évidemment la maison qu'on sait. Dom Pérignon, donc, qui va mettre au point la méthode champenoise. Qui est ce brave Dom Pérignon, Catherine Ferland, et quelle est son importance dans l'histoire du champagne? En fait, Dom Pérignon est devenu au fil du temps une sorte de figure mythique, mais quand on se met à étudier profondément l'histoire du champagne, on se rend compte que c'est une figure parmi d'autres. Ce n'est pas à Dom Pérignon très précisément qu'on doit l'invention du champagne. Ce brave moine, Pierre Pérignon de son état, qui était procureur de l'abbaye d'Auvilliers dans les années 1660, il aurait été bien étonné qu'on lui attribue tout ce mérite-là, parce qu'en fait, il s'inscrivait dans le prolongement de plusieurs dizaines d'années de travaux qui étaient faits, oui, dans les abbayes, dans les monastères, mais aussi du côté des civils, tout simplement, pour essayer de stabiliser ce vin qui était, comme je le disais, qui voyageait pas très bien, qui s'aigrissait, et qui avait la fâcheuse tendance à devenir effervescent, alors que c'était pas ce qu'on voulait voulu. Pas. Mais ouais. Non, effectivement, c'est un problème. Un accident. Exactement, c'est ça qui est fabuleux avec cette histoire du champagne, entre autres choses, c'est que le champagne, c'est un vin problématique au départ. Mais oui, tout à fait. Comme bien des inventions, on pourrait dire, dans le niveau, au niveau gastronomique, le champagne, c'est un accident de parcours. Ouais. C'est une reprise de la fermentation après quelques mois de dormance, justement parce qu'on est dans une région plutôt nordique où il fait froid. Donc, pendant un certain temps, les levures s'endorment, tout simplement, hibernent, si on peut dire, et au printemps, se réveillent et tout à coup, bon, les barriques se mettent à éclater. C'est la catastrophe là, pour les vignerons. Jusqu'aux années 1660, 1670, c'était un problème. Mais il a quand même, ce Dom Pérignon, une volonté, la volonté de faire du champagne le plus grand vin, le meilleur vin du monde. Il a cette idée. Il a cette idée, il a ce flair, on pourrait dire. Il faut absolument lui reconnaître ce mérite de se dire, bien, si on n'est pas capable de contrôler ce vin dans des barriques, allons-y dans des bouteilles, faisons fabriquer des bouteilles. Donc, la bouteillerie dans la région champenoise va se développer énormément à la fin du 17e siècle et au début du 18e. On va perfectionner les bouteilles pour les rendre beaucoup plus solides. On va aussi subir l'heureuse influence du mouvement monastique de la région ibérique. Donc, les moines espagnols qui arrivent avec le liège. Oui. Hein? Donc, et ça, c'est central, en fait. Le liège, c'est les Espagnols qui vont l'amener, mais ce liège, ce bouchon de liège, il est vraiment central à cette méthode champenoise que va développer Dom Pérignon. On écoute justement, à ce propos-là, le négociant en vin Joseph d'Argent à l'émission Entretien, en 1980. Autrefois, on bouchait les bouteilles avec des chevilles de bois entourées d'un morceau de chanvre. C'était donc extrêmement peu hermétique. Mais au temps de Dom Pérignon, probablement par suite de relations entre des abbayes, des moines d'Espagne sont venus en apportant pour la première fois des lièges tirés de l'écorce des chênes lièges du sud de l'Espagne, du Portugal et de la Catalogne. Et Dom Pérignon a utilisé ce liège pour boucher les bouteilles de champagne. Du coup, le gaz carbonique est resté emprisonné dans la bouteille, s'est incorporé au vin et il a tout été étonné de voir que ou bien ces bouteilles explosaient ou bien quand il les ouvrait, le bouchon sautait. Et voilà au fond l'origine du vin de champagne tel que nous le connaissons maintenant. Alors pour qu'on comprenne bien, Catherine Ferland, ça consiste à quoi cette fameuse méthode champenoise que développe Dom Pérignon? En fait, Dom Pérignon se rend compte que en enlevant le bouchon à un certain moment du procédé, en laissant s'écouler un petit peu de champagne, puis en refermant le tout et surtout en enlevant les impuretés, il y a tout un décorum qui va être associé à cette étape-là et on arrive à un produit qui va avoir une stabilité étonnante. Donc, le problème se transforme finalement en beauté, en bulle, en quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée absolument exceptionnelle et justement qui va faire naître tout ce rituel autour du fait d'ouvrir la bouteille et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se développe à partir de Dom Pérignon. Mais vous savez, ça, c'est curieux. Le champagne va avoir eu aussi une influence sur les autres vins parce que à partir de tous ces travaux que Dom Pérignon et ses successeurs vont avoir fait sur la bouteillerie, sur la qualité des liages qui sont employés pour boucher ces bouteilles-là, les que autres soit bien vins... hermétique. Absolument. En cas de champagne, évidemment, avec cette petite de métal. Exactement. Mm-hmm. Donc ça, c'est essentiel dans le cas du champagne pour les raisons évidentes qu'on connaît d'effervescence. Mais pour les autres vins, il va y avoir aussi une bonification des vins. C'est la naissance des grands vins de garde à cette époque-là parce qu'auparavant, faire vieillir du vin en bouteille, dire du vin vieux, c'était pas du tout une qualité pendant très, très longtemps. Alors qu'avec ces bouteilles-là, beaucoup plus solides, plus foncées, perfectionnées, qui étaient conçues à la base pour le champagne, bien, tout l'univers vinicole français va s'en ressentir, tout l'univers vinicole européen et éventuellement partout. Donc, et le liège qui va être utilisé aussi pour tous les vins à partir de ce moment-là? Ou exactement. À peu près, parce que, évidemment, une bonne idée est rapidement saisie par l'ensemble du marché. Donc, Bon, le champagne n'est pas bu et prisé au début par la cour et par les rois de France, mais le sera. Louis XIV, je le disais au tout début de l'émission, son vin préféré sera le champagne. Comment le champagne et Dom Pérignon feront leur entrée à la cour de Louis XIV, Catherine Ferland? En fait, c'est à la faveur souvent des grands banquets que ces choses-là se produisent. On veut impressionner. On sait que Louis XIV était très friand de ces grandes réceptions quand il reçoit des dignitaires, par exemple, de Perse ou des gens qui viennent de l'extérieur. Quand il veut impressionner, eh bien, c'est de bon ton de montrer les nouveaux produits, que ce soit les produits coloniaux. Hein, on est en pleine époque coloniale, donc tout ce qui vient des Amériques, il y a toujours un petit effet « wow », il ne faut pas se le cacher. Tout ce qui vient d'Asie également, mais aussi ce genre de développement-là qui va être tout à fait saisi. On va saisir l'opportunité là, d'épater avec ce vin qui mousse, qu'on est capable finalement de domestiquer. C'est une belle victoire, hein, symboliquement, de dire l'humain a réussi à domestiquer la nature en bouteille. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, qui correspond tout à fait d'ailleurs à la personnalité de Louis XIV. Il va être présent, ça je veux qu'on passe quand même quelques minutes à en parler, de ce côté-ci de l'Atlantique. On a peine à imaginer ça, on est en Nouvelle-France, avec tout ce que ça veut dire, et pourtant, il se boira du champagne en Nouvelle-France. Eh oui, il y a de belles archives qui nous montrent clairement que le champagne est présent en Nouvelle-France. Assez rapidement, Catherine? Assez rapidement. En fait, c'est à peu près simultané aux développements qui se font en France. On n'a pas beaucoup de retard, je vous dirais, sur ce qui se produit sur l'ancien continent. Alors, même ici, les nobles vont avoir accès à des bouteilles de champagne. J'en ai trouvé pour les années 1702, 1703. Il y a déjà présence de champagne. Est-ce que c'est un champagne effervescent, de qualité? Là, l'histoire ne le dit pas, malheureusement, mais on sait qu'il y a du vin de champagne qui est présent dès ces années-là. Et à partir des années 1730, de façon certaine, c'est bien du vin effervescent. On en parle comme étant la mousse brillante et tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée d'importer ici un mode de vie. On veut vraiment démontrer le même faste le plus possible qu'à Versailles, par exemple. À la conquête, j'imagine que le vin... Changement de régime. Est-ce que ça veut dire que le vin de champagne disparaît de nos caves? Oui et non. Parce que en matière de vin, il y a toujours ce site curieux que même pendant les pires affrontements, conflits diplomatiques et tout ça, souvent, il y a des filières commerciales qui vont quand même réussir à subsister. Hein? Même pendant les grandes guerres entre l'Angleterre et la France, il y a toujours des filières qui vont réussir à envoyer du vin de Bordeaux, par exemple, vers les îles anglaises. Donc, le champagne va suivre encore ce mouvement. On va être capable d'avoir de petites quantités, mais ce qu'on appellerait de nos jours en importation privée, hein? Ce sont des nobles qui sont restés ici, des aristocrates d'origine française qui écrivent à leur parenté en France en disant « Oui, s'il te plaît, envoie-moi quelques caisses de champagne à mon adresse par l'entremise de tel marchand, il y a tel navire à tel moment. » Donc, ça, c'est assez précieux. Dans les années 1780, par exemple, on a de ces gens comme ça qui s'assurent d'avoir des vins de champagne à leur table. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus difficile à partir du régime anglais. Est-ce que les Anglais eux-mêmes, la force occupante, appelons ça comme ça, est-ce que ces gens-là boivent eux-mêmes du champagne ou pas? Ils en boivent parce que ça fait aussi partie des attributs de pouvoir. Oui. C'est pas une boisson de tous les jours, c'est la boisson de la royauté. Donc, l'occupant a tout intérêt à s'emparer de ce symbole-là pétillant de pouvoir également. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus rare dans la colonie à ce moment-là. Il y a un moment où il y a comme un petit boom. Oui. Parlez-moi de ça. Il y a différentes maisons, en fait. C'est quoi, au fin 18e? Fin 18e, oui. Il y a un essor des maisons de champagne. En fait, ce sont des producteurs qui, progressivement, vont se structurer, vont acheter des compétiteurs, vont vraiment se bâtir de formidables réseaux commerciaux aussi pour, disons, envoyer des cargaisons de champagne un peu partout. On pourra en reparler un petit peu plus tard, mais il y a certaines de ces maisons-là qui vont vraiment avoir un rayonnement pratiquement international dès la fin du 18e siècle. Donc ça, c'est assez fascinant. Et même en Nouvelle-France, donc, il y a de ces arrivages de différentes maisons. Oui. Ben, en fait, pour la Nouvelle-France, il faut nuancer, on n'a pas de maisons comme telles qui sont associées pour les périodes, là, pour la fin du régime français. Ça va commencer progressivement plutôt dans les années 1840-1850. Oui. Les premiers arrivages avec des noms... Oui, après la conquête, effectivement. Oui, des noms associés, là, on dit c'est de Maison Ruinard, par exemple, ou c'est Maison Veuve Clicquot. On va avoir vraiment une dénomination précise de ces grandes maisons de champagne qui, à ce moment-là, sont en pleine croissance et de ce côté ici de l'Atlantique, on va, disons, avoir le bonheur d'en recevoir aussi. Prenons un petit moment pour parler de la fameuse Veuve Clicquot, parce que, bien sûr, c'est une maison connue, une maison de champagne, mais elle existe, elle a existé vraiment. Elle sera présente et elle sera importante, justement, dans ce désir de prendre ce marché du Nouveau Monde. Il y a de la Veuve Clicquot qui coulera dans les verres et les coupes du Canada français. Oui, absolument. Canada français, même Canada anglais, il faut le dire, parce que Veuve Clicquot, bon, là, on est dans les années 1850. À ce moment-là, cette femme qui a un destin tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, là, c'est vraiment une femme d'affaires au sens pratiquement moderne de la chose, OK? Elle est vraiment... Elle s'est affranchie des carcans qui régissent un peu l'activité féminine à l'époque victorienne. Hein, on est en pleine époque où, pour être une femme d'affaires, bon, il faut avoir tout un culot. Et Barbe Nicole Ponsardin, Veuve Clicquot, a vraiment ce culot qui va faire en sorte qu'elle va, disons, voir le potentiel des marchés étrangers. Dans un premier temps, au tournant des années 1850, elle envoie des cargaisons à titre d'essai en Russie, par exemple. Et progressivement, elle se dit, ouais, ben le côté américain, ça pourrait être intéressant, donc l'Amérique du Nord. Et elle va faire jouer ses réseaux de contact pour envoyer des cargaisons à Québec et à Montréal en 1855 par l'entremise de son agent. Donc, très rapidement, on a du champagne, on va avoir du Ruinard également, mais du Veuve Clicquot qui va couler aux meilleures tables ici dans les grandes villes. Et encore une fois, tout le monde ne boit pas du champagne, ni ici, ni en France. C'est cher déjà, oui, ce produit-là. C'est très cher. À partir du moment où on va réouvrir les marchés, parce que ça, c'est un élément dont il faut quand même parler, c'est que ce milieu de 19e est propice à l'ouverture vers les marchés européens. Il y a un élément très, très important à ramener ici, c'est que jusqu'alors, les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et ses protectorats et ses colonies et la France, c'était compliqué, justement parce qu'on était en guerre et tout ça. Mais à partir de 1849, bon, il y a des assouplissements diplomatiques qui sont faits. Le gouvernement britannique va abolir la loi qui interdisait aux navires français de venir dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, à partir de ces années-là, on voit une reprise des contacts avec la France. Donc, qui dit reprise des contacts, dit aussi, justement, va favoriser cette ouverture pour recevoir du champagne. Ça va faire en sorte que le champagne va être beaucoup plus facile d'accès. Mm-hmm. Ça demeure un produit qui est très, très cher, mais au moins, il y en a davantage. Et de fait, la cherté du produit, j'entendais en préparant cette émission, on ne peut pas présenter tous les extraits qu'on a, mais un négociant en vin disait c'est cher parce que ça doit être cher et parce que c'est plus cher que les autres vins à produire. Bon, mais ça fait partie de l'image de marque du produit aussi, le prix du champagne. Et ça, au 19e, au 20e, mais déjà au 19e siècle, le champagne est plus qu'un vin, c'est le symbole, un symbole fort de l'esprit français. Qu'est-ce que ça représente, ce champagne? Qu'est-ce que ça représente tant pour la France? En fait, c'est un des fers de lance de tout ce mouvement gastronomique qui se met en place au 19e siècle. Comme vous le savez, Jacques, le repas gastronomique des Français fait maintenant partie de l'UNESCO et tout ça à titre de patrimoine. Mais c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui s'est mis en place de longue date. Mais au 19e siècle, il y a une cristallisation de l'art de vivre à la française, l'art de la table. tout le décorum qui vient autour, les manières, évidemment, les chefs cuisiniers qui deviennent des personnalités à cette époque-là fabuleuses. Il y en avait quelques-uns avant, mais vraiment au 19e siècle, il se passe quelque chose en France. Et ce mode de vie est vraiment admiré, imité le plus possible à la cour même de Russie, à la cour anglaise. C'est vraiment un modèle à suivre. Et le champagne est vraiment partie prenante de cet art de vivre à la française, très brillant, très, très distingué. Et vraiment, ça participe tout à fait à cet effort-là là, de faire partie des gens de la haute. Ça devient quoi au 20e siècle, le champagne, comme industrie et comme symbole? En fait, clairement, c'est toujours un symbole de luxe. Un symbole de luxe, et on va s'affranchir progressivement de l'aspect aristocratique. Hein, on le sait, bon, avec la Révolution française et tout ça, bon, les têtes couronnées, ça dépend, ça peut passer. Mais tout ce qui est luxueux, ça demeure, ça persiste à travers le temps. Et à travers chaque époque, on va voir ce goût pour des matières luxueuses. Et naturellement, le champagne va être ce symbole qu'on met dans les verres. Mais luxe qu'on se permet aussi, tout un chacun, parce que c'est associé à la fête, à la joie, à la célébration. Oui. On veut marquer le coup. On baptise des bateaux au champagne, le baptême de son fils, de sa fille. Enfin, il y a toute cette dimension festive. Festive, et on va le retrouver un peu partout. De ce côté-ci de l'Atlantique, par exemple, quand il y a les luxueuses réceptions au château Ramsay, au château Haldimand à Québec, Spencer Woods, tous ces foyers-là très brillants de sociabilité bourgeoise du 19e et du 20e siècle vont évidemment servir du champagne. Donc, ça participe encore là à ce mode de vie qu'on veut recréer. Et en pleine année folle, on le sait, hein, les années 1920, le champagne va couler à flot à travers l'Amérique, même s'il y a la prohibition, c'est pas rien. Donc, le champagne va toujours se faufiler parce que c'est le seigneur des vins. On le voit vraiment comme un produit à part. Et puis, ce champagne, je reviens sur ce que vous disiez, c'est intéressant. C'est ce champagne qui coulera, par exemple, à la maison Ramsay ou dans ces autres lieux de la bourgeoisie locale. Ce champagne-là sera, entre autres, puis on revient à la veuve Clicquot. La veuve Clicquot va avoir une place importante sur ces tables canadiennes. Absolument. On va développer, en fait, et elle va développer un goût particulier. Elle reconnaît le goût qu'on a ici. Quel champagne nous intéresse? Exactement. Elle a un flair commercial, on pourrait dire d'avant-garde, parce qu'elle va demander à ses correspondants canadiens et québécois quel type de champagne les gens ici vont aimer. Elle envoie des cargaisons à titre d'essai. Elle va aussi se documenter pour connaître les goûts locaux. Puis elle est très étonnée d'apprendre qu'ici, on préfère les vins un peu plus secs, moins sucrés, moins sirupeux à l'époque. Donc, elle va faire une cuvée spéciale pour envoyer au Canada pour tester un champagne un peu plus sec. Et voyant que ça fonctionne bien, eh bien, ça va donner l'impulsion à la maison Clicquot de fabriquer ce champagne et de le proposer. Alors que jusqu'à ce moment-là, c'était essentiellement un champagne beaucoup plus sucré. D'ailleurs, c'est surprenant, quand on lit les descriptions anciennes, on comprend entre les lignes que le champagne que buvait Louis XIV, par exemple, ou Louis XV, ou même Louis XVI, et le champagne qu'on boit de nos jours, probablement que le produit n'a pas grand-chose à voir. Hein. C'était beaucoup plus sucré à l'époque. Donc, veuve Clicquot va saisir très bien cette opportunité-là de développer un produit très, très arrimé aux goûts locaux du Canada pour envoyer les cargaisons ici. Catherine Ferland, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Catherine Ferland, historienne, auteure de Bacchus en Canada, boisson, buveur et ivresse en Nouvelle-France. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.